On s'arrache les yeux, on se mord comme des chiens et tout ça pour rien. On se porte volontaire, mais nous ne sommes que des courants d'air. On se balance des vérités contre vérités.